Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, nous recevons aujourd'hui Hélène Marjakovski-Klepinine au sujet de son livre « Et la vie sera amour, destin et lettres du père Dimitri Klepinine » paru aux éditions du Cerf, Le sel de la terre. Nous pourrions parler à propos du père Dimitri également de Saint Dimitri, puisqu'en janvier 2004, le Saint Synode du Patriarcat œcuménique de Constantinople a décidé d'inscrire dans le calendrier liturgique la mémoire de 5 personnages qui ont vécu et sont morts en Europe occidentale, dont fait partie le père Dimitri Klepinine. Ils sont déjà donc vénérés comme saints. Vous voici donc, madame, dans une position, je pense, difficile, à savoir écrire la biographie de votre père, mort dans un camp de concentration, c'était à Dora le 9 février 1944, lorsque vous étiez encore enfant vous-même, et qui est en même temps une hagiographie. Ma première question est donc la suivante, comment et pourquoi avez-vous abordé ce travail délicat ? Oui, en effet, ce n'était pas facile, écrire la vie de son propre père et la vie d'un saint, et être la fille d'un prêtre aussi, ce n'est pas facile. Je me suis reprise à plusieurs fois, mais c'était, je l'ai senti comme un devoir. Je m'étais déjà occupée de la biographie à géographie de Mère Marie, et comme c'était le prêtre de sa paroisse qu'elle avait fondée rue de Lourmel, il était normal aussi que je m'occupe de lui, d'autant plus que c'est moi qui avais les archives. Et à cette occasion, je me suis rendu compte que finalement, les saints sont parmi nous. On imagine, quand on porte le nom d'un saint, moi je porte celui de Sainte Hélène, qu'ils sont très éloignés de nous dans l'histoire, qu'ils ont été martyrisés au IVe siècle à Alexandrie ou qu'ils ont passé dans les affres du désert. En fait, ils sont parmi nous, les saints sont là et à nous de les reconnaître. Alors, si vous voulez, on va essayer de prendre par étapes la vie de votre père, qui est une vie mouvementée. Oui. Puisque né évidemment en Russie à une époque très difficile, avec plusieurs étapes aussi sur le plan géographique. Alors de Russie à Paris, je crois que le chemin n'est pas direct du tout, si vous voulez en parler un peu. Bien sûr. Alors ce que je voulais d'abord, c'est caractériser un petit peu son destin. Je pense que Père Dimitri, c'était vraiment l'incarnation de ce qu'on appelle le courage des humbles. Le courage, en fait, c'est différent, est différent du mot vaillance. Le courage, c'est la, ça vient du mot cœur, et c'est aussi, ça consiste à avouer qu'on a peur et simplement d'accepter. Saint Bernard de Clairvaux disait, par exemple, j'ai horriblement peur de la mort, de la mienne et celle des miens. Et le courage est dans l'aveu de cette faiblesse. Le courage, c'est accepter l'humiliation, les persécutions, tout en restant honnête. Probus, oui, en latin, honnête, fidèle à son engagement. Et je pense que durant toute sa vie de prêtre, Père Dimitri est resté, tout en se sentant terriblement indigne et mécontent de lui, cet homme humble qui reconnaissait son humilité et ses imperfections. Alors sa vie n'est pas longue à résumer, puisqu'il n'avait pas 40 ans quand il est mort. Il avait passé 17 ans en Russie, 23 ans dans l'émigration. Il a été prêtre seulement 7 ans et il a eu, on peut dire, 3 paroisses, 2 à Paris que lui avait confié son évêque, Monseigneur Eloge, du patriarcat œcuménique, et l'une qui lui a été envoyée par le destin, par la Providence, par le Seigneur, celle du camp de concentration de transit d'abord de Compiègne, où il est resté 8 mois, et les quelques semaines qu'il a passées au camp de Buchenwald et au commando de Dora, où il est mort de pleurésie le 9 février 1944. Quand on parcourt les étapes de sa vie, son enfance a été aussi marquée par la souffrance et l'épreuve, puisque dernier enfant d'une famille de 3, il est né à Piatigorsk, sur les premiers contreforts du Caucase, en 1904, mais il a été malade et il est resté un enfant chétif. Il en a gardé aussi ce sentiment d'être petit, d'être indigne. Il en a gardé aussi une grande pitié pour les petits et pour les animaux. Sa famille était composée de gens qui aimaient Dieu et toutes les créatures. Il n'était pas très engagé dans l'Église. Cet engagement viendra plus tard dans l'émigration, au moment des épreuves. Mais il pratiquait une sorte de théisme éclairé. Mon grand-père était architecte, ma grand-mère était pédagogue avertie, elle a ouvert une école dans sa maison, et ensuite elle est devenue juge de paix. Alors, peu d'années s'écoulent avant que n'arrive la révolution. Dimitri est encore tout jeune, il a 14 ans. Sa mère est arrêtée par la Tchéka, mais comme elle s'est beaucoup occupée de familles défavorisées d'Odessa, où la famille habitait à cette époque, ça a été un salut pour elle, puisque c'était un juif dont elle s'était occupée qui a obtenu sa libération. Mais cette épreuve a été un choc pour Dimitri. Il est entré dans une église pour prier, et comme il se tenait les mains derrière le dos, une religieuse l'a admonesté un peu vertement, et il est sorti de l'église ulcéré. Son premier contact avec l'église a été un échec. Et puis, c'est dans l'émigration que va se produire le retour vers l'église, surtout grâce à la famille à Belgrade, dans la famille Zernoff, qui avait fondé un cercle qu'ils ont appelé l'Arche, et ils vont inviter les futurs coryphées de la théologie orthodoxe dans l'émigration, le futur Monseigneur Cassien Bezobrazov, le père Vassili Zenkovski, Antoine Hrapovitsky, des prêtres, des missionnaires vont s'occuper de cette jeunesse. Et c'est là que vraiment va naître le désir de faire sa théologie. Il faut dire aussi que dans ces années-là, qui sont des années charnières comme ça, on est juste avant la création de l'Institut Saint-Serge à Paris. Hein, oui. Le cercle dont vous parliez, finalement, en quelque sorte, c'est les mêmes personnes qui vont enseigner à Saint-Serge. Donc, si vous voulez, on arrive à Paris. C'est ça. Alors, d'abord, il faut parler de la mort de sa mère, toujours à Belgrade, qui le rapproche encore plus du consolateur. Et c'est là qu'apparaît l'idée de se consacrer à la théologie. Il arrive donc à Paris en 1926, rue de Crimée. Il pense sans doute que ça va avoir l'aspect de la Crimée qu'il quitte, mais il est un peu déçu. Paris est hostile, froid, c'est en novembre. Et il va faire partie de la toute première génération d'étudiants de Saint-Serge, qui était composée de gens assez disparates, qui n'avaient pas tous fait des études, loin de là, qui faisaient en fait leur théologie parce que c'était en russe et parce que c'était dans un milieu russe. Dimitri n'avait que son bac en poche. Ses camarades le décrivent comme quelqu'un d'assez simple, de joyeux, l'esprit d'Odessa, les galéjades, cette façon de parler un petit peu avec détachement des choses. Il gardera de très bons contacts à Saint-Serge, par exemple Théodose Spassky qui deviendra chef de chœur, Boris Stark qui deviendra prêtre, Michel Sokolov qui sera prêtre à Colombelles. Tout ça, ce sera les gens qu'il fréquentera à ce moment-là. Il bénéficie bien sûr de tous les prestigieux professeurs, surtout le père Serge Bulgakov, Vyacheslav Tsev, Monseigneur Cassien, et toute cette pléiade de professeurs qui vont aller former. Comme on est obligé de voir sa vie en vitesse, le sacerdoce. Alors le sacerdoce, ça a été difficile parce que il finit Saint-Serge. Il écrit d'ailleurs un diplôme, son travail de maîtrise. Oui, de maîtrise. C'est le cœur et l'intelligence dans la prière de Jésus, ce qui est assez caractéristique. Mais il veut être prêtre, or il ne veut pas être moine et il n'a pas de femme. Donc il va partir aux États-Unis, il bénéficie d'une bourse, il va étudier l'œuvre de Saint Paul auquel il restera très attaché. Et au retour, heureusement, lors de congrès de la Serre, il rencontre Tamara Baimakov qui est aussi membre de la Serre et qui est un peu plus âgée que lui. Il se marie et la même année, en 1937, il est consacré par Monseigneur Eloge et Monseigneur Serge de Prague, prêtre à Rudaru. On lui confie la paroisse de l'Action chrétienne des étudiants russes qu'il connaît bien parce qu'il a été aussi, il a travaillé dans les camps, il a travaillé avec les jeunes, il était chef de chœur dans ces camps de jeunesse. Donc sa première paroisse sera là. Ensuite, plus près de la guerre, en 1939, il est nommé recteur de la paroisse du foyer de la rue de Lourmel, fondée par Mère Marie. Nous allons faire une pause musicale et je crois qu'elle a un lien tout à fait direct avec ce que vous venez de dire. Oui, c'est le chœur de Fyodor Potorzhinsky, qui est le chantre, le chef de chœur officiel de la paroisse de la protection de la Mère de Dieu de la rue de Lourmel. Nous les écoutons, ils chantent le Polyéléos. Je voudrais citer un texte que Père Dimitri a écrit à Sophie Shidlovsky. Il est significatif que dans la vie du siècle à venir, il n'y aura ni foi ni espérance. Il ne restera que l'amour, libéré de tout utilitarisme. Cet amour est indéniablement le contenu même de la vie, car la vie a été créée par l'amour. Dieu est amour. Et elle consiste à retourner à son fondement premier, l'amour. Tout le reste est une mise à l'épreuve de la volonté de se mouvoir dans ce sens, d'effectuer ce retour. La conséquence du péché, c'est l'éloignement de l'amour. La façon que j'ai de considérer le péché est peut-être hérétique, mais je trouve qu'il y a quelque chose de pire que le péché. Un amour utilitaire, un amour pour Dieu et les hommes, sans roman d'amour. C'est un texte qui justifie tout à fait le titre que vous donnez à votre livre. Et je devrais d'ailleurs dire que... ce n'est pas le cas du texte que vous venez de lire, mais il y a un grand nombre de textes du Père Dimitri à la fin de votre livre, qui sont faits des lettres, c'est ça qu'il a écrit de Compiègne. Alors, je ne sais pas comment, c'est par miracle qu'il nous soit parvenu. D'abord qu'il ait pu les envoyer, qu'on ait pu les garder aussi, et que ça constitue maintenant un corpus à la fin de l'ouvrage, qui est très bien. Aussi, je voulais dire qu'il y a quelque chose qui m'a frappé et qui donne un caractère très vivant à votre livre, c'est que vous écrivez comme une lettre, vous vous adressez à votre père quand vous écrivez. Vous ne faites pas le récit de quelque chose, mais vous lui parlez. Ce qui donne un caractère très, très immédiat au propos. Oui. Alors, je voulais juste dire deux mots sur sa vie de paroisse, sa vie de prêtre. Alors, avant la guerre, c'est une paroisse très vivante. Il y a beaucoup de Russes qui habitent le 15e arrondissement. Donc, il célèbre, il marie, il baptise, il visite beaucoup de malades. Tous ses prêtres avaient plusieurs hôpitaux, comme terrain aussi de mission. Et il est très engagé aussi auprès des jeunes. Il participe à tout ce que Mère Marie entreprend, en particulier des cours de catéchèse. Il court aussi beaucoup la banlieue. Les cimetières étaient très disparates. Ce n'est que plus tard qu'on va créer Sainte-Geneviève-des-Bois. Et j'en parle aussi dans le livre, il est un excellent confesseur. Monseigneur Eulogue disait souvent aux gens qui s'adressaient à lui, « Allez vous confesser au père Dimitri ». Il avait une façon un peu socratique, il posait des questions, il se confessait lui-même devant l'homme qui se confessait. Et ce faisant, il ôtait tout le stress de la confession. Et puis quand la guerre arrive, alors les choses se précipitent. Il y a beaucoup de gens qui s'adressent à lui, surtout parmi les Juifs, pour avoir des faux certificats de baptême. Quelquefois, c'est un véritable certificat de baptême. La personne est d'origine juive, mais a été déjà baptisée, donc ce qu'il fait. Et puis de plus en plus, c'est les événements, les rafles, les arrestations se précipitant. Il donne de faux certificats de baptême. C'est ce qu'avait fait également Monseigneur Eulogue. C'est ce qu'avait fait un des papes, Jean XXIII, à l'époque cardinal Roncalli. Et là, il prend de gros risques. La Gestapo est là. Et finalement, tout ce groupe de l'Action orthodoxe se fait dénoncer et arrêter. Et c'est la fameuse rafle du 8 février 1943. Le père Dimitri est emmené, interrogé par la Gestapo rue des Saussets. Et comme on s'étonne qu'il aide les Youpins, il montre sa croix pectorale et dit « Et ce juif-là, le connaissez-vous ? » Et aussitôt, une gifle le jette par terre. Il est donc immédiatement arrêté. Ma mère et les gens de Lourmel, ainsi que l'évêque, font tout leur possible pour le faire libérer. Mais quand la Gestapo lui demande « Et si on vous relâche, qu'est-ce que vous faites ?» Père Dimitri répond « Je recommencerai ». Il signe par là sa condamnation. Il est donc envoyé à Compiègne, d'abord à Romainville, puis à Compiègne. Et à Compiègne, c'était pas un camp de travail, ils étaient voués à l'inaction. Le père Dimitri en profite pour organiser la vie des orthodoxes autour de lui, les Serbes, les Russes, les Grecs. Avec des lits et des tables renversées, il construit une chapelle et il célèbre tous les jours. Il écrit des lettres à ma mère et ces lettres sont c'est pour la consoler, c'est pour la soutenir, mais c'est aussi pour demander que l'on envoie pour un tel matricule numéro un tel, des colis, des vêtements. Donc c'est aussi pour s'occuper de tous ces détenus qui sont autour de lui. Il considère cette nouvelle épreuve comme une véritable mission. Il écrit par exemple « Considère notre séparation comme mon envoi en mission, je célèbre, je prêche, je confesse, j'ai même célébré un baptême. Nous nous sentons comme dans un monastère. Monseigneur Eulogue lui fournit un antimension, ma mère s'arrange pour lui transmettre une patène, des prosphores, un calice. Il forme un cœur et il célèbre là. Et puis, malheureusement, des transferts se font de plus en plus vers l'Allemagne. Il essaie de préparer ma mère à cet éventuel départ. Et malheureusement, l'épreuve arrive en décembre 44. Et c'est là la dernière lettre, 13 décembre 1943. « Mon Tomik, tendrement aimé, aujourd'hui sans qu'on s'y attende, on nous a désignés pour être transportés certainement en Allemagne. » J'ai pleinement conscience que s'accomplit la volonté de Dieu et que pour moi commence une nouvelle obédience dans l'Église. Mon seul unique souci, c'est comment toi tu vas accepter cette nouvelle épreuve. C'est mon unique souffrance. Je suis sûre que cette distance spirituelle ne va pas s'accroître, que les frontières n'ont aucune importance. Tout aura une fin, nous serons réunis. En Allemagne, je serai peut-être en plus grande sécurité. Promets-moi, mon Tomik, de rassembler toutes tes forces spirituelles pour demeurer en paix et dans la certitude priante que Dieu veille sur nous. Communie souvent au Saint-Don, reste toujours parmi les gens qui peuvent t'aider. Ne laisse pas l'accablement ni l'irritation s'implanter en toi et cours vite te confesser à un prêtre. Reste en contact avec le Père Serge. Préserve ta paix pour que les enfants traversent cette période difficile sans une dépression qui pourrait les marquer à vie. Mon cher Tomik, mes enfants, je vous enlace, je vous bénis. Chaque soir, en me couchant, j'embrasse l'icône que tu m'as envoyée. Je caresse vos photos comme si c'était vous. Je ressens si fort votre présence, votre amour, votre sollicitude. Le Christ est avec nous, tout le reste est tellement insignifiant en regard de son amour pour nous. Réjouissez-vous, mes oisillons, nous nous reverrons bientôt. Votre Dimski, toujours vaillant. Et donc, c'est en décembre 43, c'est ça ? 44, déjà. 44. Pardon, 43. 43, oui, c'est ça. Et au mois de février, vous savez, par le témoignage de quelqu'un qui était dans le camp, qu'il a expiré à la suite d'une infection pulmonaire. Et que, je voudrais bien qu'on termine avec ça, parce que cet épisode m'a beaucoup marqué en le lisant. Il ne pouvait plus se signer le dernier jour. Et vous faites aussi une allusion à un événement qui a eu lieu lorsqu'il était tout bébé, je crois. Alors si vous voulez, on va terminer cette émission sur lui, avec ces deux événements au tout début et à la toute fin de sa vie, qui concernent justement la croix. Voilà. Donc quand il était tout petit, lorsqu'il a eu cette première maladie, il était déjà mourant et sa famille s'est rassemblée autour de son chevet pour prendre adieu. Et sa mère a eu un geste tout à fait surprenant. Elle a saisi la petite main de l'enfant et elle a béni l'assistance. Et ce geste a marqué beaucoup une des tantes qui rapporte l'événement. La nuit est venue, la crise est survenue, l'enfant a vécu. Et la tante qui était présente s'est souvenue de ce moment lorsque, pour la première fois, le prêtre Dimitri Klépinine est sorti sur l'ambon pour bénir son assistance et la main qui bénissait lui a rappelé la petite main de l'enfant. Et là, dans ce shonung, dans cette baraque pestilentielle où les morts agonisaient sur la paille souillée, père Dimitri était déjà tellement épuisé que ses membres ne bougeaient pas. Il y avait là un capot russe qui s'est approché de lui. Et le père lui a désigné sa main et lui a demandé « signez-moi ». Et cet homme a pris la main du prêtre et l'a béni et il est mort à ce moment-là. Un jour, il avait dit au père Basil Zinkowski « les mains du prêtre ne lui appartiennent pas ». Ben, ce sera le mot de la fin, merci beaucoup. C'était donc « Et la vie sera amour, destin et lettre du père Dimitri Klépinine » par Hélène Arjakovski-Klépinine aux éditions Le Sel de la Terre, CERF. Notre prochaine émission, dimanche 15 octobre. Ce sera sur Nicolas Cabasillas et la Divine Liturgie, un colloque scientifique au monastère de Bose, avec Marie-Hélène Cougourdeau et Giuseppe Conticello, chercheurs au CNRS et intervenants en colloque. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Annick Brien. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75-220 Paris SEDEX 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.